إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous avions déjà évoqué auparavant plusieurs volets et aspects de la vie du prophète صلى الله عليه وسلم avant la prophétie. Nous avions parlé de sa naissance. Nous avions parlé de son allaitement chez les Bani Sa'd. Nous avions parlé de l'ouverture de sa poitrine. Nous avions parlé de la mort de sa mère, Amina binti Wahb. Puis, lorsqu'il fut récupéré par son grand-père, celui-ci mourut par la suite. C'est alors son oncle Abu Talib qui se chargea de l'éduquer et de le prendre sous son aile. Puis, les années passèrent et nous avions évoqué le commerce qu'entreprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija binti Khuwaylid al-Asadiyah. Radiallahu tabaraka wa ta'anha, qui deviendra la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions aussi évoqué quelques volets des guerres auxquelles avait assisté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous avions dit qu'en réalité, le prophète n'a jamais assisté à une guerre par laquelle on pouvait penser que le prophète venait secourir les mouchriquines de cette époque. Et nous avions enfin évoqué le récit de la reconstruction de la Kaaba, où le prophète a eu l'honneur de poser la pierre noire à l'endroit qu'on lui connaît aujourd'hui. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci avant la révélation. Nous sommes à l'aube de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah, avait alors 41 ans. Comme à son habitude, il se trouvait dans la grotte de l'Hira, adorant Allah tabaraka wa ta'ala et l'évoquant. Jusqu'à ce qu'à ce jour, Djibril se présenta à lui, sous la forme d'un homme. Ce fut un lundi, comme le rapporte l'imam Muslim, dans son sahih, d'après le hadith de Abi Qatada, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui a dit, « Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam su'ila an sawmi l'isnayn, faqala fihi wulittu wa fihi unzila alayhi. » Abu Qatada a dit concernant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah a été questionné sur son jeûne du lundi, que le prophète avait l'habitude de jeûner. Tous les lundis, le prophète jeûnait sallallahu alayhi wa sallam. Et on le questionna sur la cause de cela. Le prophète répondit, c'est le jour où je naquis et le jour où je reçus la révélation. Ibn Abbas radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu a dit, votre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est né un lundi et a reçu la révélation un lundi. Et en réalité, le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la semaine où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, ne constitue aucune divergence chez les savants. Aucun des savants ne diverge sur le jour de la semaine durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la toute première révélation. Cette révélation et cette venue de Djibril pour la première fois qui est venue introduire la prophétie fut pendant le mois de Ramadan, comme le soutiennent bon nombre de savants, en s'appuyant sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a dit « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » C'est le verset 185 de Sourate Al-Baqarah. C'est en ce mois de Ramadan que fut révélé le Coran, en guide, Al-Huda, pour les hommes vers la juste voie et comme preuves évidentes de la bonne orientation et du discernement. Il y a une troisième question qui se pose chez les savants. Durant quel jour du mois de Ramadan est descendue la toute première révélation? Les savants divergent sur ce jour-là. Certains disent que ce fut le 21e jour du mois de Ramadan. D'autres ont dit que c'était la toute première nuit du mois de Ramadan. Mais il apparaît que ce fut la 24e nuit de Ramadan, comme spécifié dans un hadith qui a été rendu bon, Hassan, par Cheikh Al-Albani. Quel est ce hadith? C'est le hadith de Wathilat ibn al-Asqa' qu'a rapporté l'imam Ahmed dans son Mousnad, sous le numéro 16984. Que dit ce sahabi, Wathilat ibn al-Asqa'? قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les feuillets d'Ibrahim furent révélés durant la première nuit de Ramadan. La Torah, le livre descendu sur Moussa alayhi salam, fut révélée la sixième nuit de Ramadan. El-Injil, l'évangile de Isa, fut révélé durant la treizième nuit de Ramadan. Et le discernement, et dans une autre version, le Coran, durant la 24e nuit de Ramadan. Durant cette nuit-là, Jibril alayhi salat wa salam se présenta à lui sous une forme humaine. Lisons à cet effet ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari dans son sahih d'après Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala. C'est le hadith numéro 4 du sahih al-Bukhari. Aïcha, la mère des croyants, a dit: la révélation débuta chez l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par de pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Comme nous l'avions signalé dans un cours précédent, les rêves authentiques constituent un 46e de la prophétie. C'est ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant ce jour où il va recevoir le Coran, le prophète faisait des rêves prémonitoires. Le prophète faisait de nombreux rêves qui se réalisaient dans sa vie de tous les jours. Il voyait des choses qui allaient se passer dans les rêves qu'il faisait. Et ceci constitue, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un 46e de la prophétie. C'est une des parties de la prophétie, le rêve véridique. Ar-ru'ya as-sadiqa. Aïcha nous dit: la révélation débuta chez l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par de pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparut, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il se prit à aimer la retraite spirituelle. Il se retira dans la caverne de l'Hira, où il se livra au Tahannus. At-tahannus, certains ont dit at-tahannuf avec le fa à la fin, c'est-à-dire la pratique d'actes d'adoration exclusivement dédiés à Allah tabaraka wa ta'ala durant un certain nombre de nuits consécutives sans qu'il rentre chez lui. Voilà ce qu'on appelle at-tahannus ou bien at-tahannuf, qui vient de l'Hanifiyya, qui est la religion d'Ibrahim alayhi salat wa salam. Aussi, continue Aïcha, se munissait-il à cet effet de provisions de bouche. Ensuite, il revenait vers Khadija et prenait des provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette grotte de Hira. La vérité ici qu'a cité Aïcha radiallahu tabaraka wa ta'ala anha est la révélation. Elle continue et dit: l'ange va le trouver. L'ange qui est Jibril alayhi salat wa salam, l'ange qui est chargé de la révélation, chargé par Allah tabaraka wa ta'ala de descendre la révélation sur l'ensemble des prophètes et messagers. L'ange vient alors le trouver et lui dit, lis, écora. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'ayant jamais appris à lire, a dit, ma ana biqari. Je ne suis point de ceux qui lisent. Je ne sais pas lire. Je suis analphabète. L'ange me saisit aussitôt, raconta le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il me pressa au point de me faire perdre toute force et me répéta ce mot, lis, écora, une deuxième fois. Le prophète de répondre par la même réponse qu'il lui avait donnée la première fois. « Ma ana biqari, je ne suis pas de ceux qui lisent. » Pour la troisième fois, l'ange me saisit, me pressa au point de m'enlever toute force, puis me lâcha en disant « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. » الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ce sont les cinq premiers versets de la sourate 96. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un grumeau de sang ou d'un caillot de sang ou d'une adhérence. Lis car ton Seigneur est le plus noble. C'est celui qui a enseigné par la plume. Celui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne sait pas. Voilà les cinq premiers versets qui ont ouvert, introduit la prophétie à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, Muhammad ibn Abdullah est devenu un messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aïcha nous parle de la suite, de ce qui s'est passé juste après cet événement, qui marque un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Elle dit, en possession de ces versets, le cœur tout palpitant, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rentra chez Khadija bint Khuwaylid, son épouse, et s'écria, Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on le couvrât, car il éprouvait du froid, il éprouvait une fraîcheur qu'il n'arrivait pas à supporter, bien que le climat était très chaud à ce moment-là. Mais les effets de la révélation lui procuraient ce sentiment de fraîcheur intense. Alors il disait « Zammilouni, Zammilouni, enveloppez-moi, enveloppez-moi ». D'ailleurs Allah tabaraka wa ta'ala interpellera son messager, sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, par ce surnom, Ya ayyuhal muzammil, comme il layla illa qalila. Oh, toi, l'enveloppé dans ton vêtement, dans ton manteau, lève-toi la nuit ou une partie d'entre elles. Donc, Allah tabarak wa ta'ala a interpellé son messager par ce surnom, Al muzammil, celui qui est enveloppé dans son vêtement. On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi et sa peur fut dissipée. Alors, s'adressant à Khadija, il l'a mis au courant de ce qui s'était passé dans la caverne. Puis il ajouta, « Certes, par Allah, j'ai craint pour ma personne. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai eu peur pour ma vie. » Khadija, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, lui a dit, « Certes, jamais Allah ne t'avilira, car tu es uni avec tes proches. Tu soutiens les faibles. » Tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu héberges les autres et tu secours les victimes des vicissitudes du temps. Ensuite, Khadija emmena Muhammad chez Waraqat ibn Nawfal, ibn Asad ibn Abdel Uzza, qui est le cousin de Khadija, et qui est un cousin éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car tous deux ont comme grand-père commun Qusay ibn Kilab. Cet homme, Waraqat ibn Nawfal, qui était le cousin paternel de Khadija, avait embrassé le christianisme au temps de la Jahiliya, au temps pré-islamique. Il savait même écrire les caractères hébreux et il avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile qu'Allah avait voulu qu'il transcrivît. À cette époque, il était âgé et avait même perdu la vue. Khadija s'adressa à son cousin en lui disant, « Oh mon cousin, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. » Elle voulait signifier par là le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Waraqa se tourna vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô fils de mon frère, de quoi s'agit-il? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam raconta ce qu'il avait vu, dans les moindres détails. Alors Waraqa, ayant entendu ce récit, a dit: Ceci ou celui-ci est le Namous. Le Namous, ça veut dire le confident. Il voulait signifier par là l'ange Djibril. Celui-ci est le Namous qu'Allah a envoyé autrefois à Moussa, alayhi salat wa salam. Si seulement je puisse être dans la force de l'âge à ce moment, assisté par la science bénéfique et les actes vertueux, je serai avec toi. Oh, que je voudrais être encore vivant à l'époque où tes concitoyens te banniront, afin que je puisse te suivre et te secourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interloqué. Il a dit: ils me chasseront donc? Ils me banniront de chez moi? Et Waraqa reprit: jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Jamais un homme n'a apporté la révélation sans qu'il ne soit persécuté. Si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Après cela, Waraqa ibn Nawfal ne tarda pas à mourir et la révélation fut interrompue. Voilà le hadith comme rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sur le hadith numéro 4 du hadith de Aisha radiallahu tabaraka wa ta'ala anha. Donc l'ange Jibril est venu pour la première fois trouver l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam subitement, sans qu'il ne l'informe de sa venue. Le messager sallallahu alayhi wa sallam fut donc surpris et c'est ce qui explique ses propos lorsqu'il dira à son épouse: j'ai craint pour ma personne. Jibril alayhi wa sallam l'étreignit à deux reprises en lui disant à chaque fois « Li, Iqra » et le messager de répondre à chaque fois « Ma ana biqari, je ne sais pas lire ». Puis Jibril l'étreignit une troisième fois. Et cette étreinte ou ces étreintes avaient pour objectif deux choses. Pourquoi Jibril alayhi salat wa salam a pris la peine d'étreindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de telle sorte que le prophète a dit: j'ai été pris sous l'étreinte de Jibril jusqu'à en perdre mes forces. Cela avait deux objectifs. Le premier, c'était pour que le messager sallallahu alayhi wa sallam se concentre sur la parole de Jibril et qu'il ne soit pas détourné par autre chose, par la peur, qui pourrait peut-être aussi le pousser à fuir à ce moment-là. Mais Jibril voulut que le prophète se concentre sur ce qui allait lui être révélé. Le deuxième objectif, c'était pour que le messager soit persuadé que cela se produisit en état de veille et non en état de sommeil. Le fait qu'il sentit vraiment l'étreinte de Jibril devait lui faire prendre conscience que cet événement était différent des nombreux rêves qu'il avait vus auparavant. Revenons sur ces versets, ces cinq premiers versets qui marquent l'introduction, les prémices à la révélation qui durera 23 ans. Nous sommes à l'aube de la prophétie. Allah dit tabaraka wa ta'ala: Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqa al-insana min 'alaqa. Qui a créé l'homme d'un grumeau de sang ou d'une adhérence ou d'un caillot de sang. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis car ton Seigneur est le plus noble. Alladhi 'allama bil qalam. Qui enseigna par le qalam, par la plume, allama al-insana ma lam ya'lam, qui enseigna à l'homme ce qu'il ne savait pas. Allah nous informe et informe son messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le créateur de toute la création. Puis Allah va évoquer la création de l'homme plus particulièrement en évoquant les premières phases de sa création. Lorsqu'il dit: celui qui a créé l'homme d'un grumeau de sang. Comme pour nous montrer qu'Allah tabaraka wa ta'ala a géré la création de l'homme alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Preuve que celui qui a créé l'homme et pris soin de toutes les étapes de celle-ci, de cette création, prendra tout autant soin à gérer cet homme par les ordres et les interdits, et cela par l'envoi des messagers et la révélation des livres. Si Allah tabaraka wa ta'ala nous montre qu'il a pris soin de créer l'homme par différentes étapes dans le ventre de la mère, cela nous montre qu'Allah tabaraka wa ta'ala prendra tout autant soin de cet homme-là qu'il a créé avec les ordres et les interdits. Il lui donnera des directives dans cette vie d'ici-bas afin qu'il chemine sur le droit chemin, et cela par l'envoi des messagers et par la révélation des livres. Puis Allah cita une de ses nobles qualités qui est la bienfaisance, la générosité. Iqra wa rabbuka al-akramu. Lis et ton Seigneur est le très noble. Et parmi les effets de sa générosité et de sa bienveillance envers l'homme, il y a le fait qu'il lui a enseigné ce qu'il ne sait pas. En effet, l'homme sort du ventre de sa mère ignorant. Mais Allah l'a doté de l'ouïe, de la vue et un cœur pour comprendre, en lui facilitant dans le même temps les causes menant à la science. L'homme a tout à apprendre, mais Allah tabaraka wa ta'ala lui a facilité ce chemin pour qu'il puisse acquérir cette science qui lui sera profitable dans cette vie d'ici-bas. À la suite de cet événement, donc le prophète, alayhi salam, comme nous l'avions signalé, revint chez lui, tremblant de froid, en demandant de le couvrir. Il raconta à Khadija, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, son épouse, ce qui lui était arrivé. Il revint tout en sueur, car il vit un homme dont il n'avait jamais vu de pareil auparavant. Et lorsque la peur se dissipa, le prophète a dit, j'ai craint pour ma personne. Et c'est à ce moment-là que Khadija, radiallahu tabaraka wa ta'ala, va jouer un rôle important. Elle va calmer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va le rassurer. Elle va le soutenir dans ce qu'il a vécu. Et cela aura un grand impact sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Khadija lui dit alors, comme pour le rassurer et le calmer, non, répondit-elle. Certes, jamais Allah ne t'avilira. Car Khadija, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, savait qu'une personne de haute moralité, comme l'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvait subir d'avilissement, que ce soit dans cette vie-là, comme dans celle de l'au-delà. Puis, elle lui rappela ses nobles qualités une par une. Imaginez-vous, à un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'être rassuré sur le fait qu'il n'était pas devenu fou ou ensorcelé. Khadija va tenir ses propos qui vont rassurer le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, Allah ne t'avilira jamais car tu es uni avec tes proches, et cela en liant les liens de parenté, et tu es véridique dans tes propos. Effectivement, le messager était ainsi. Il était véridique dans chaque occasion, dans chaque circonstance, dans tous les aspects de sa vie sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit avec ceux qui l'aimaient qu'avec ceux qui ne l'aimaient pas. Le messager était connu pour cela, comme il était connu pour lier les liens de parenté. Puis elle lui dit, tu soutiens les faibles en leur procurant ce dont ils ont le besoin ou en leur allégeant les charges qui pèsent sur eux. Puis elle lui a dit, tu donnes à ceux qui n'ont rien en t'empressant de leur donner. Et tu honores les autres, les invités, tu les héberges en honorant leur présence par le repas et en leur donnant l'hospitalité et le gîte. Et tu secours les victimes des vicissitudes de la vie en restituant leurs droits, les aidant et les soutenant jusqu'à ce qu'ils puissent se relever. Toutes ces qualités étaient connues chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela bien avant la prophétie. Personne ne lui contestait ces choses-là. Voici quelles furent les nobles qualités du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Des qualités que lui reconnaissaient même ses ennemis et ses opposants. Et je voudrais ouvrir ici une parenthèse importante avant de continuer ce récit. L'imam Safarini, qui est un savant du 12e siècle, du 11e siècle de l'Égypte, a dit dans sa Aqida, qu'il a compilé en forme de poème, ceci. Wa anna kulla wahidin minhum salim. من كل ما نقص ومن كفر عصم كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. Cela signifie, lorsqu'il parle des messagers et des prophètes, il dit, chacun d'entre eux est préservé de tout défaut et contre la mécréance immunisé. Il en est de même contre le mensonge et la trahison du fait qu'on leur reconnaît la véracité et l'intégrité. Il est permis pour tout messager de dormir, se marier, au même titre que de manger. Celui honoré par la prophétie a comme condition d'être un homme libre, doté de capacité. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah tabarak wa ta'ala, dit en commentaire de ces vers, le prophète, quel qu'il soit, que ce soit le prophète Mohammed ou des prophètes qui l'ont précédé, doit nécessairement être apte à recevoir la prophétie. Ce n'est pas toute personne qui peut être prophète ou en avoir la capacité. Mais c'est Allah qui dispense de ses grâces à qui il veut et qui choisit parmi ses créatures qui il veut pour porter la prophétie et le message. Il en est de même de la science. Allah tabaraka wa ta'ala l'octroie à qui il veut. Et la preuve de cela est la parole d'Allah suivante. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Sourate 6, verset 124. Allah sait mieux à qui confier son message. Cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala fait suite aux allégations des mécréants entêtés qui dirent وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ. Quand un signe leur apparaît, ils disent « Nous ne croirons point avant qu'il ne nous vienne cela même qu'ont reçu les messagers d'Allah. » Imaginez-vous, ils disent « Nous ne croirons pas en ton message, ô Mohammed, jusqu'à ce que l'on reçoive ce que tu as reçu, c'est-à-dire la révélation. » Donc Allah leur a répondu en leur disant « Allah sait mieux à qui confier son message, car vous, vous n'êtes pas apte à recevoir le message divin. Mais Mohammed, lui, est apte à le recevoir. » On regarde les qualités qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a octroyé et par lesquels il l'a gratifié. Le messager doit être aussi doté de prérequis afin de bénéficier de la prophétie. Premièrement, il doit être un homme libre et non un esclave qu'on pourrait vendre ou acheter ou qui serait la possession de son maître. S'il était ainsi, il ne saurait être un prophète ou un messager à la tête de sa communauté ou de son peuple. Comment un esclave puisse être dirigeant alors qu'il a au-dessus de lui son maître qui le dirigera. Donc, le premier prérequis, c'est que un prophète doit être libre et non esclave. La deuxième chose, il doit être un homme et non une femme, car cette responsabilité est trop dure à porter pour une femme. N'en déplaise aux féministes hystériques qui veulent l'égalité des sexes dans tous les aspects de la vie. Or Allah tabaraka wa ta'ala a créé les hommes et les femmes différents. Il y a des aspects sur lesquels les hommes et les femmes se rejoignent sur le plan physiologique, donc ils auront de ce fait les mêmes devoirs. Mais il y a des choses où les hommes diffèrent des femmes. Et donc on voit que certaines choses sont demandées aux femmes qui ne sont pas demandées aux hommes, et certaines choses sont demandées aux hommes qui ne sont pas demandées aux femmes. La prophétie n'a pas été attribuée à une femme, car c'est une responsabilité qui est trop dure à porter. Et pour preuve, regardez ce qu'a enduré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 années. Entre les guerres, entre les insultes, entre la calomnie, entre le fait qu'il s'est fait expulser de sa ville, entre le fait que les membres de sa famille l'ont rejeté, comme l'a rejeté Abu Lahab. Donc parmi la sagesse d'Allah tabarakwata, c'est qu'il a placé la prophétie chez les hommes, non chez les femmes et non chez les anges. D'ailleurs, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 4425 d'après Abi Bakrata. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. L'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم avait appris que les habitants de la Perse avaient mis à leur tête la fille de Kisra. Et le prophète de dire, jamais ne réussira un peuple qui aura investi une femme du pouvoir souverain sur lui. C'est-à-dire qui aura mis à leur tête une femme. Cela ne signifie pas que les femmes n'ont aucune compétence dans ce domaine. Non, les femmes ont des compétences dans le domaine de la juridiction, de l'administration. Mais à la tête de l'État, là où les responsabilités sont au plus haut degré, il convient de mettre un homme et non une femme, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans son livre que tous les messagers et prophètes envoyés aux différents peuples furent des hommes et non des femmes ou encore des anges. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sourate 21, verset numéro 7. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous faisions des révélations. Interrogez donc à ce sujet des gens initiés aux Écritures si vous ne le savez pas. Troisième prérequis, il faut que cet homme libre ait la capacité physique et morale à transmettre le message. S'il est sourd, ou aveugle, ou muet, ou faible, il ne pourra pas transmettre de la meilleure des façons, voire il pourra manquer à sa mission due à ses handicaps. Donc le prophète Mohammed possédait tous ses prérequis et toutes ses qualités qu'Allah lui a données, tabaraka wa ta'ala. Il est le guide pour l'humanité, le meilleur des prophètes. Et par son avènement, Allah a scellé la prophétie. Sallallahu alayhi wa sallam. Reprenons la parole de Aïcha. Elle nous dit que Khadija emmena le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voir Waraqat ibn Nawfal, qui était devenu chrétien et qui était versé dans les écritures en hébreu. Waraqat lui dit, le fils de mon frère, de quoi s'agit-il? Et le prophète lui raconter en détail ce qu'il avait vécu. Waraqa, par la science qu'il avait des écritures et des récits des prophètes avec leur communauté passée, savait que n'importe quel prophète subira des préjudices de la part de son peuple ou autre, quel qu'il soit. Cela fait partie des lois d'Allah universelles, desquelles on ne peut déroger. Chaque prophète, quel qu'il soit, a été éprouvé par son peuple. Et donc, Waraqa a informé le prophète de cela. Il lui a informé aussi qu'il sera châtié, il sera banni des siens et de sa ville. Ce qui a étonné le prophète, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était quelqu'un d'aimé parmi les siens et parmi les gens de Mecca, dû à ses hautes moralités et à ses bonnes mœurs. Mais le prophète a été choqué par cette parole de Waraqa. Il lui a dit, ils vont me bannir, ils vont me sortir, moi. Et Waraqa de lui répondre, jamais un homme n'a porté ce que tu apportes, c'est-à-dire la révélation, sans qu'il ne soit persécuté. Si je viens encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Et après cela, Waraqa ne tarda pas à mourir et la révélation fut interrompue. C'est pour cette raison que les savants divergent sur le cas de Waraqa ibn Nawfal. Est-ce qu'il est mort en tant que chrétien? Est-ce qu'il est mort en tant que musulman? Un troisième groupe disent, nous prononçons pas sur son cas. On ne sait pas. Cependant, Cheikh Al-Albani, rahmallah tabaraka wa ta'ala, a authentifié une parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, d'après Aïcha, « La tasubbu waraqa, fa inni ra'aytu lahu jannatan aw jannatayn. » Hadith rapporté par l'imam Al-Albani dans Silsila Sahiha, sur le numéro 405. « N'insultez pas waraqa, car j'ai certes aperçu pour lui un jardin, voire deux jardins. » Il y a aussi d'autres hadiths qui montre que le prophète a vu Waraqa en rêve avec des habits blancs, et le prophète de dire, si je l'ai vu avec des habits blancs, j'ai certes pensé qu'il fait partie des gens du paradis. Donc il y a une forte probabilité que Waraqa s'est converti à l'islam. D'ailleurs, ses propos nous montrent cela, et nous poussent à croire cela. Lorsqu'il dit, si seulement j'étais jeune dans la force de l'âge, je te soutiendrais, et je te suivrais. Si seulement j'étais encore vivant, le jour où ils t'expulseront, je te soutiendrai et je te secourrai. Donc ce sont des propos clairs de sens qui montre que Waraqa a porté foi au message du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que Muhammad, alayhi wa sallam, devint prophète, ayant pour mission de transmettre le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à l'ensemble des hommes et des djinns. C'est un événement important dans l'histoire de l'humanité. L'imam al-Safarini nous dira « Wa min azimi minnati salami wa lutfihi bisairi l'anami an arshad al-khalqa ila l'wusuli mubayyinan lil-haqqi bir-rasuli » Parmi les grandes faveurs d'Allah, ainsi que sa miséricorde envers l'ensemble des créatures, et qu'en exposant les preuves par l'envoi des messagers, il est guidé les gens vers la droiture. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.